y'a des salopes. Y'en a, ils me disent plus elle aime. J'sais même plus si j'ai la haine, mais j'garde le bon quand même. J'mets le TP avec les baleines. J'me promène sous la lune, on me voit comme un alien. Ça met le masque et ça salue. Que tu me manquais d'up, j'sais que les cadeaux elle aime. J'sais qu'en promenade à l'âme aussi, tu peux finir celle-là. J'suis dans le top à l'année, numéro 1, j'suis navré. J'sais que les jaloux doivent câbler. J'vais faire un tour, j'vais cabrer. J'jetterai le blues à grammaire. La première dans le cœur, c'est ma mère. Maintenant tout va bien, ça va. Mais j'ai eu galère sur galère. Sur Snap, elle envoie les saignes. Sors la combo pour le parler. Et en cellule, ça désalue. Le poteau, il veut son couteau et sa puce. Franchement, y'a des salopes. Y'en a, ils me disent plus, elle aime. J'sais même plus si j'ai la haine. Mais j'garde le bon quand même. J'mets le TP avec les baleines. J'me promène sous la lune. On me voit comme un alien. Ça met le masque et ça salue. Que tu me manquais d'up. J'sais que les cadeaux, elle aime. J'sais qu'en promenade à l'âme aussi. Tu peux finir celle-là. Poursuite la drogue, ça la jette. On se fait la côte sur un jet. J'peux me revers sur un chèque. J'peux prendre un coup sur un choc. Les petits démunis avec les grands. Rien à faire, ils ont les dents. Un oeil sur la street. Un doigt sur la détente. Arrête de faire le go Canada. Quand t'es sous vodka ananas. Un douce dans la gousse Canada. Pour ce qu'ils veulent tester, oh la la la. Côté au rasoir, j'ai une coupe de russe. Les gens, ils me font les signes du bus. Ce soir, on va faire mumus. Tous en DP dans l'Urus. Franchement, y'a des salopes. Y'en a, ils me disent plus, elle aime. J'sais même plus si j'ai la haine. Mais j'garde le bon quand même. J'mets le TP avec les baleines. J'me promène sous la lune. On me voit comme un alien. Ça met le masque et ça salue. Que tu me manquais d'up. J'sais que les cadeaux, elle aime. J'sais qu'en promenade à l'âme aussi. Tu peux finir celle-là. La la la. Mon cause, y'a le 12. Eh eh eh. Dans la gousse. La la la. Grey goose. La la la. Ça éclabousse. La la la. Mon cause, y'a le 12. Eh eh. Franchement, y'a des salopes. Y'en a, ils me disent plus, elle aime. J'sais même plus si j'ai la haine. Mais j'garde le bon quand même. J'mets le TP avec les baleines. J'me promène sous la lune. On me voit comme un alien. Ça met le masque et ça salue. Que tu me manquais d'up. J'sais que les cadeaux, elle aime. J'sais qu'en promenade à l'âme aussi. Tu peux finir celle-là. Franchement, y'a des salopes. Y'en a, ils me disent plus, elle aime. J'sais même plus si j'ai la haine. Mais j'garde le bon quand même. J'mets le TP avec les baleines. J'me promène sous la lune. On me voit comme un alien. Ça met le masque et ça s'allume.